Et toi, il blesse, lui, dur, rien, non. Et toi, Maud, il est lui. Je femme arieuse, monte, il blesse, lui, dure ça, mais court, rien, non. Changeant brusquement de sujet, que je femme a. Avant que je, femme, danse. Soutient un moment son regard, puis se détournant avec un rire étrange, cassé. Ah ! Est-ce lui dur ça, mais court rien ? Femme tant l'orneau clair espace tant pleure noce clair espace amant rien étions. Aïe, ma, ah, mes, ah, brûlante, mes mains, mes poignets, ah, mes mains. Le dira et sa voix, ah, mes mains, accueille-moi et je vends. Vous vous conduisez comme si je devais être votre propriété. Pendant un instant, le regarde avec étonnement. maman. Rien, Claire. Par une émotion dont elle n'a pas l'habitude. Alors, tu es vraiment heureux de me voir? Rayonnante, soudain, se détourne et vraiment avec empressement. Elle lui lance avec un sourire séducteur. Alors, tu es vraiment heureux de me voir? Dans ce chuchotement inquiet, tremblante de peur, moqueuse et amusée, frappée par ce mot. Rayonnante, soudain, elle se détourne et vraiment avec empressement brandit son poing vers lui. Émue, malgré elle, est troublée par cette demande, à peine dissimulée avec un rire forcé. Rayonnante, soudain, elle se détourne et vraiment avec empressement brandit son poing vers lui. M'obligerait à vous faire. Rayonnante. Rayonnante, soudain se détourner vraiment. Mes mains, mes poignets, mes mains. Chante-toi, est-ce qu'elle lui. Poison. honneur, sa tête tenue, honneur, à plus, à tête dehors, pourrait, honneur, on ne pourrait jamais si gay, tu y croyais. Ni tu es croyais si gay, ni y croyais jamais si gay, je ne pourrais jamais donner honneur, on ne jamais, à plus, je n'aurai pas donné, ni mon ventre, ni oh, pis, mignonne, ne t'es tenu, honneur, à plus, ma tête dehors, pourrait, honneur, on ne pourrait jamais si gay, tu y croyais. Je n'ai point donné mon portrait. Vous voulez conduire comme si je devais être bonne. Soudain, elle se détourne et vraiment avec empressement. Ne parle pas de ton cœur. Ne parle pas de ton cœur, c'est pure vanité. Avec empressement, brandit son poing vers lui. On demandait à un peintre pourquoi il avait fait ses enfants si laids. Alors que ses figures étaient si belles. Il répondit qu'il faisait ses tableaux le jour et ses enfants la nuit. Pourrait.